Please, sir, would you come here? And would you give me your papers, please? Can I see your passport? Huh? Your passport! Passport? Yes. Mon passeport? Yes. Ah, bon, vous ne voulez pas dire tout de suite. Moi, je descends de l'avion qui arrive de Paris. Alors, j'ai déjà montré mon passeport à plusieurs personnes, là, ils m'ont tamponné sur tous les côtés. Ah, you are French, aren't you? Hein? Je dis, vous êtes français, n'est-ce pas? Yes. Je viens d'arriver à Londres. Alors, j'ai demandé à un monsieur, qui est charmant d'ailleurs, bien en soldat, je sais pas, avec des képis, tout ça, un douanier, peut-être, je sais pas. Je lui ai dit, parce que je suis pas venu à Londres comme ça, hein. Je me suis préparé à l'avance. Alors, je lui ai dit la phrase que j'avais appris par cœur, à Paris. Where it is television for me. Et il m'a répondu en français, à la sortie, c'est l'autobus 3. S'il vous plaît, restez ici, compris? Oui, madame. Dites-moi, pourquoi voulez-vous aller à la télévision? Mais écoutez, vous êtes habillé en police woman, mais de quel droit vous me demandez ça? Parce que vous devez me le dire. Je vais à la télévision, je voudrais aller travailler là-bas. Travailler? Oui. Vous avez un permis to work, un permis pour travailler? Faut un permis de travail? Naturally. Oh, mince, non, j'en ai pas, moi. Et vous en avez un, ou? S'il vous plaît. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire à la télévision? Vous allez travailler, mais qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais rien. Quoi? Enfin, je fais rien, il y a des jours. Il y a des jours, c'est l'euphorie générale, puis le lendemain, c'est le... À quelle heure c'est la nuit du corps? Qu'est-ce que c'est, oui? Je ne comprends pas. Ben, rire, si, quelqu'un qui rit, qui n'a pas de complexe, qui est heureux de vivre. Quelqu'un qui rit, quoi. Et c'est toi, hein? Vielleicht, ich weiß nicht. Yes, where to laugh in English? In English, in Deutschland, lachen. Allez, on parle, on dit des bêtises. Voulez-vous rester ici, compris? Oui. Écoutez-moi, vous m'avez dit que vous faites rire, n'est-ce pas? Oui, j'essaye de faire rire. Eh bien, faites-moi rire, alors. Vous voulez que je vous fasse rire? Yes. Vous plaisantez ou quoi? J'attends, faites-moi rire. Monsieur Grand, faut pas rire comme ça, faut y mettre de la bonne volonté de part et d'autre, hein. Surtout avec la tête que vous avez pour faire marrer, vous. Faut avoir des années de métier, hein. Vous allez vous dépêcher un peu? Mon Dieu, je voulais qu'un Français puisse bien faire pour faire rire une Anglaise sur l'air d'atterrissage. Dépêchez-vous, compris? Oui, madame. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire rire une Anglaise? Il y a peut-être ça, hein? Napoléon. Napoléon qui revient et puis qui fait... L'humour de Robert Derry, ça n'a pas l'air de vous emballer, vous, hein? Vous ne me faites pas rire. Vous non plus, d'ailleurs. Mais enfin, rire, ce n'est pas votre métier. Si, il y en a qui vivent de ça. Pas longtemps, mais il y en a qui vivent de ça. S'il vous plaît, comment s'appelle votre métier? Comique. Comique? Yes. Prouvez-moi que vous êtes comique. Commencez pas à m'énerver, tout à l'heure, je vous fous. Votre képi va aller jusqu'aux oreilles tout à l'heure, vous allez... Prouvez-moi. Vous voulez que je vous prouve que je suis comique? Yes. Vous voulez que je vous le prouve? Alors après, il n'y aura aucune discussion. Ce sera indéniable, irréfutable. La preuve que je suis comique, c'est écrit sur mon passeport. Profession comique. Moi, je suis comique et ce n'est pas écrit sur mon passeport. Parce que vous êtes comique, vous? Yes, I am. You are? Eh bien, écoutez, vous avez intérêt à le dire. Vous êtes comique, vous? Yes. Oh, ben, vous me faites marrer, voilà. Vous êtes comique. Elle est comique. C'est la meilleure de l'année. Mais alors, on est fait pour s'entendre, alors. Et entre comiques, je suis comique. Vous êtes comique. Nous sommes comiques. Yes. Yes. I am comic. You are comic. We are comic. Et ben... And the Lord Kingdom, I warn you, if you continue, I'll throw you into Gaza. Do you understand what I mean? Bien sûr. I can't stand you anymore. Don't you understand now? I don't want to repeat it again. Et bien sûr, la question n'est pas là. C'est un problème. Vous avez compris? Pas tellement, non. Mon uniforme représente le Commonwealth. Et en me manquant de respect, vous insultez sa majesté gracieuse, la reine d'Angleterre, the Queen of England. Quand t'as ta queen. J'ai engueulé la reine d'Angleterre. Yes, you have. Non, mais ça va pas, non. J'ai engueulé la reine d'Angleterre, moi. Vous voyez que mon petit chapeau, mon manteau, ma petite valoche, je me dis, où c'est que tu vas, je vais engueuler la reine d'Angleterre. Non, mais tout biste ferruque, non. Si vous continuez, je vous jette en prison, compris. Oh, mon bon émer, là. J'arrive là bien gentiment, et me fout en tôle, mais... Je dis que je suis comique. Je dis que je fais rire. Laissez-moi passer puisque je fais rire. L'Angleterre est un pays sérieux. Et nous en France, on est des andouilles. Nous avons des principes. Si vous voulez travailler, donnez-moi votre permis first. Je peux pas avoir un permis de travail sans savoir si ça va plaire au directeur de la télévision. Faut que j'aille auditionner devant lui. Faut que j'aille faire le zig et tout. Alors si ça plaît, il m'engagera. Vous n'avez pas de permis? Non. Eh bien, retournez chez vous le chercher. Oh, mais oh... Pas exagéré, j'aime bien faire l'andouille, mais il y a des limites, non. Est-ce que ça veut dire, faut pas me toiser comme ça, non? C'est pas tous les jours fachaudan, non? Je retourne dans mon pays et tant pis pour vous, je ferai pas rire les Anglais. Ici avec vous pour les faire rigoler, ben ils vont pas se marrer tous les deux.